contretemps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici mardi de midi à 13h pour parler de ce fameux épuisement. Alors en ce moment, le sujet est allé sur le burn-out des enseignants ou l'épuisement des enseignants. Il y a 15 jours, nous recevions Mario, professeur au conservatoire, qui nous a expliqué comment est arrivé son burn-out. Vous avez pu aussi avoir l'occasion d'écouter le dimanche sur Radio Gémozo à 17h l'émission « Il était une fois le burn-out » avec le témoignage complet de Mario. Vous pourrez aussi le réentendre ce dimanche à 17h en rediffusion. C'est un témoignage qui est poignant, qui est plein d'émotions, qui explique exactement ce qu'a pu ressentir un enseignant dans une situation qui était pour lui difficile à vivre, très difficile à vivre. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Comment ça va cette semaine? Mais ça va bien, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ah ben moi je suis très contente aussi d'être avec toi. Voilà, pour ce fameux burn-out des enseignants. Donc nous sommes l'association Ralentir pour vivre, on va peut-être pas répéter, on fait de la prévention et de la sensibilisation. Tout à fait. En partenariat avec Radio Gémozo. Et donc les auditeurs peuvent, s'ils le désirent... Eh ben nous contacter au 03 29 62 40 40 par exemple, ou via notre page Facebook, hein, Ralentir pour vivre, ou sur Radio Gémozo, ou le profil de Gémozo sur Facebook. Voilà. Vous pouvez même venir toquer à la porte. Hein, c'est ça. Pourquoi pas? Et puis en toute simplicité et en tout anonymat, on peut le dire aussi. On peut, tout voilà. à fait. C'est simplement, on aimerait un peu dégrossir ce sujet qui est quand même un peu lourd. Et là, je vais démarrer directement avec un article que j'ai vu sur psychologie.com, Travail, souffrance au travail. Et donc là, il y a un psychologue du travail qui s'appelle Adrien Chignard qui explique qu'un burn-out n'est pas le signe d'une défaillance individuelle. C'est bien ce que nous essayons de faire entrer dans les têtes des gens, c'est-à-dire que c'est pas une histoire d'individu, c'est une histoire plus collective. Donc il dit, lui, mais celui d'un collectif en panne, soumis à des facteurs de stress, des risques professionnels qui ont fait tomber l'un de ses membres. Lui, il est donc psychologue du travail, fondateur de Sens et Cohérence. Il dit que des dysfonctionnements à travailler en équipe pendant l'arrêt de la personne en burn-out, donc il y a un enjeu, il faut protéger l'équipe, le travail et permettre à celui qui s'est effondré de pouvoir se reconstruire en quelque sorte. Et il dit aussi que c'est une idée reçue qui entoure bien souvent le burn-out, qu'il s'agirait du fait d'un individu peut-être plus faible ou plus fragile que les autres qui tomberaient. Ça, j'aime aussi beaucoup cette idée. Il y a, parce que souvent on entend « Ah oui, mais il avait des problèmes autrement. » En fait, on a toujours l'impression que c'est un individu qui va être plus faible ou plus fragile. Dans le cadre, effectivement, on a beaucoup de mal à... Enfin, de toute façon, c'est comme ça qu'on se sent quand on est victime, entre guillemets, de... Est-ce qu'on peut dire ça déjà? Est-ce qu'on est victime d'un burn-out, Catherine? On peut dire qu'en fait, on est devant un accident de vie. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que moi, maladie professionnelle, alors on me dit, oui, mais maladie professionnelle, c'est compté comme un accident. Non, c'est pas la même chose. C'est là, il y a aussi quelque chose que j'aimerais mettre en avant. Un accident, c'est quelque chose qui normalement te laisse un traumatisme, on est d'accord? Admettons une jambe en moins, une main en moins, enfin je sais pas, un traumatisme, quelque chose, c'est un accident. Or le burn-out est considéré, à mon sens, comme un accident, puisque la docteure Koéfik au sein de l'association parle de troubles post-traumatiques. Donc s'il y a des troubles post-traumatiques, c'est qu'il y a bien un traumatisme. Tout à fait. Donc là... L'individu a l'impression qu'il a été peut-être plus faible parce que les autres le regardent. Et puis, on se dit, oui, mais en fait, on n'a peut-être pas été comme il fallait. C'est ce qu'on ressent de l'intérieur. Mais de toute façon, je pense que c'est... un des symptômes, en fait, ce que tu expliques là de l'épuisement et du burn-out, c'est justement le fait de se sentir coupable, d'être honteux de ce qui nous arrive, d'avoir l'impression de ne pas être assez performant, de ne pas accuser les consignes, de c'est ça. Voilà, alors de pas être à la hauteur, quoi. De pas être à la hauteur, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Déjà, on a tous nos limites, et puis bon, voilà, on le sait bien maintenant que dans l'épuisement et dans le burn-out adulte, ben, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Et d'ailleurs, voilà. Adrien Chignard dit « On regarde celui qui tombe à cause du bruit de la chute ». Je trouve ça très joli ce qu'il dit là. C'est le vrai. Burn-out est quelque chose de beaucoup plus large. Il faut changer de raisonnement, de représentation. D'ailleurs, la raison de nos émissions tous les 15 jours, mmh. où on essaye de faire évoluer le raisonnement et la représentation de l'épuisement. Si la personne est tombée, c'est parce que le plancher est en mauvais état. Ah, je trouve ça magnifique. Oui. Moi. Pas parce qu'elle marchait mal, non, non, parce que le plancher est en mauvais état. Qu'il y ait des souffrances individuelles n'occulte pas la sécurité du collectif au travail. Mmh. Et si c'était un accident, ce serait pris en compte par les assurances. Accident. Mmh. Et à partir de ce moment-là, alors peut-être que ce que je dis est totalement utopique, mais à partir de ce moment-là, on dirait, hé, dites donc là, on vient vérifier qu'il y a bien le plancher qui est solide. Mmh. Hein. C'est un peu ça l'idée. Donc, il dit, lorsqu'une personne sombre en situation de travail et qu'elle fait un burn-out, ça veut dire qu'elle a été durablement exposée à des facteurs de stress professionnel. On est en train de divorcer, que son enfant est malade, d'accord, mais qu'on a un huissier qui nous court après, forcément des situations de stress peut-être qui sont accrues, mais accrues parce que on a été tellement mal dans cette situation professionnelle qu'après tout part en cacahuète. Eh ben oui. Ça s'appelle la loi des séries, quoi, en quelque sorte. Alors après, on fait un amalgame. On dit oui, mais c'est parce qu'il avait. Mais peut-être que c'est parce qu'il avait un problème professionnel qu'il y a eu un problème après à la maison. Tout à fait. Donc ça peut être dans l'autre sens. Et puis on ne peut pas, quand on est dans un burn-out et qu'il nous arrive de nouvelles choses en plus, c'est extrêmement compliqué de pouvoir y faire face. Quoi. Ça peut être dramatique. C'est le cas qu'on peut avoir parce qu'on a un proche qui a un problème de santé. Mmh. C'est la goutte qui se rajoute et on est limite du vase parce que ça va déborder. Là, encore une petite goutte, la voiture qui tombe en panne et ça va pas le faire. Donc... Et ce qui est difficile, c'est quand les proches nous disent « T'inquiète pas, t'es fort, ça va aller. » Oh oui. Ah oui, ah oui, ça c'est magnifique. Et on a beau expliquer en fait que c'est une accumulation de choses et oui. que déjà le terrain de base est très compliqué, mais non, en fait, il faut faire face quoi. Oui, et puis dans le burn-out des enseignants, il faut être faut pas on va pas se mentir, hein. Ils ont beaucoup trop de charges administratives. Mmh. Ensuite de ça, ils ont le devoir de ne pas faire de vagues entre les parents et l'administration, c'est-à-dire la hiérarchie, hein. Il faut tout niveler pour que tout se passe bien. Et eux, ils sont le tampon entre le marteau et l'enclume. On leur tape dessus des deux côtés. Tout à fait. Et donc, ils sont dans des situations qui sont difficiles. Là, on va écouter une audio sur l'éducation nationale qui serait sclérosée. Alors, très intéressante audio. L'éducation nationale, c'est ce qu'elle est sclérosée. On ne peut plus travailler correctement parce que l'institution laisse tout aller à vous. Ma lettre de démission a été envoyée au rectorat de Nantes. À la rentrée, je serai radié effectivement des cadres de l'éducation nationale. C'est tout un tas de choses. C'est des facteurs qui, pris à part, sont pas très graves en soi, mais quand on les accumule, ça devient très vite étouffant. Donc la réforme du lycée, elle était passée en force. On avait protesté pendant des mois, on avait été traité même de preneur d'otages par notre ministre, ce qui fait toujours plaisir. Et donc l'année 2019-2020, l'année scolaire là, c'était une catastrophe. Les élèves étaient en panique parce que changement de structure du bac avec des profs qui ne sont pas au courant parce qu'on nous a balancé ça sans information, avec des épreuves qui changeaient, avec des modifications de la réforme en cours d'année, c'était vraiment épuisant. Un mépris aussi de l'institution, avec un manque de dialogue hallucinant. Ça s'est enchaîné juste après avec le Covid, la gestion de la pandémie aberrante. Quand on cumule ça avec un salaire qui ne bouge pas depuis 10 ans, et qui fait que, en fait, moi, en tant qu'enseignant, je gagnais mieux ma vie il y a 10 ans qu'aujourd'hui, parce que donc le salaire est gelé. Conversation que l'on a eue. J'ai eu plusieurs fois le CAPES aujourd'hui ne vaut plus rien. Donc finalement, moi, je ne vaux pas grand-chose puisque j'ai eu un concours qui ne vaut plus rien. Mais si vous voulez, ce sont des personnes qui avaient j'ai l'impression une ambition de pouvoir. Et ce pouvoir, il pouvait l'avoir sur moi, dans le sens où il savait très bien que la hiérarchie n'allait rien faire. Et je dis ça parce que finalement, je suis pas le seul à avoir subi dans mon académie ce harcèlement. Mais si vous voulez, il y a des suicides dans l'éducation nationale, il y a des dépressions dans l'éducation nationale. Et au début, moi, je pensais naïvement, je me suis dit, bon, c'est des gens qui sont un peu faibles psychologiquement, ils sont en fin de carrière, voilà. Je considère pas être faible psychologiquement. Je suis en début de carrière, si vous voulez, et j'ai été arrêté au bout de 4 mois. 4 mois pour un métier quand même qui me passionne. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'institution maltraite ses personnels. Et c'est vraiment de la maltraitance. À certains endroits, c'est de la maltraitance. Il n'y a pas de reconnaissance de la personne. Et qu'en termes de relations, de gestion RH, c'est très difficile. Bien entendu, il y a des difficultés dans certaines disciplines, en particulier des disciplines professionnelles pour les lycées professionnels. Quelques autres disciplines également auxquelles nous travaillons, nous ne le nions pas. Il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier. Voilà, nous revoilà en direct. On entend donc scléroser plusieurs problèmes. Problème déjà de salaire. Ça, on n'en avait pas parlé jusqu'à maintenant. C'est vrai. Apparemment, c'est pas évident. Problème de manque de reconnaissance. Ben ça, Mario nous en avait parlé. Et problème de maltraitance. Alors là, on n'était peut-être pas allé jusque-là, quoiqu'il avait un petit peu évoqué son supérieur qui était relativement étrange. Mais maltraitance. Et là, un problème encore plus récurrent, c'est des personnes qui, au bout de 4 mois, sont déjà en arrêt. Alors ça, ça devient ennuyeux quand même. Mais oui, ça devrait quand même aiguiller, quoi. Hein. Oui, 4 mois. Et là, ça rejoint les 30% qui quittent leur profession dans les 5 premières années. Mais oui. Et là, maintenant, on parle de... J'ai un enseignant qui m'a parlé de ça. D'enseignants, maintenant, qui ne passent plus par la fonction de l'éducation nationale, mais qui sont... comment on appelle ça ? Qui sont vacataires ? Oui, en quelque sorte, ils sont employés. C'est d'ailleurs ce qui a fait un peu sur les réseaux, les OLA, l'année dernière, quand ils ont recruté des gens comme ça, qui font bosser sans aucune formation, sans rien. Tout à fait. Prof. Et donc, ils ont une pénurie de professeurs, quoi. Ça devient... Et puis le nombre d'élèves qu'on leur met, aux 20, 25, 30, 35, ça augmente sans arrêt. Et puis la pénibilité, alors j'en ai une qui m'a raconté cette semaine, la pénibilité dans des secteurs qu'on appelle à problème. C'est-à-dire qu'il y a dans des quartiers où elle est dans un quartier de Marseille où il faut être bien accroché. Parce que les enfants, ils viennent déjà à l'école, ils ne savent pas très bien ce qu'ils viennent faire là. Ils savent que de toute façon, ils vont être boycottés quand ils vont arriver dans le marché du travail. Donc, ce n'est pas évident non plus. Donc, il y a des tas de maltraitances qui sont faites parce qu'on ne reconnaît pas. Elle a demandé sa mutation parce qu'elle en avait marre. Elle voudrait vraiment changer, quoi. Elle n'en peut plus. Elle a demandé sa mutation, on lui a refusé. D'accord. Donc, voilà. Donc, pareil, se faire radier de l'éducation nationale, ce qu'il nous disait au départ, veut dire qu'on n'a aucun droit au chômage. C'est ce que nous avait dit Mario. On n'a rien, aucun droit après. Donc c'est quand même un petit peu de la maltraitance, quelque part. Ils sont pris en otage, en fait. Oui, ils sont pris en otage. Et c'est difficile de vivre quelque chose d'aussi compliqué et d'aussi, pénible, surtout sachant quelque chose d'important, c'est qu'ils s'occupent des générations futures. Ben oui, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même choquant, ça. On devrait quand même les chouchouter. Oui, mais ça, c'est pas le seul secteur où on peut se faire des cheveux blancs. Hein. Entre les médecins qui n'arrivent plus à donner le tour, les étudiantes et les internes qui se suicident, les enseignants qui n'en peuvent plus, c'est notre futur qui est mis en cause. Oui. Et là, par rapport à cette enseignante, t'as eu des retours de nouveau ou bien ? Non, j'ai pas eu de retour parce que voilà, ma vie personnelle a fait que je me suis pas plongée dans le sujet. Mais c'est vrai que grâce à tes émissions, moi, je

Nous revoici à l'antenne, chers auditrices et auditeurs. Eh bien là, je vais vous parler d'un sujet intéressant. C'est une assurance que je nommerai pas, qui sur son site a marqué enseignant comment repérer les signes d'un burn-out et le surmonter. Alors il commence par dire « Je suis au bout de ma vie », prononcée sur un ton léger par vos élèves. Cette expression à la mode ne vous fait plus sourire ni lever les yeux au ciel. Et pour cause, vous prenez conscience qu'elle correspond parfaitement à votre état d'esprit actuel, à moins que vous ne préfériez la plus classique au bout du rouleau. Et si vous étiez en burn-out, une autre expression à la mode, certes qui correspond elle aussi à une réalité, celle de l'épuisement professionnel, le métier d'enseignant réunit bien des spécificités qui le favorisent. Alors, ils disent découvrez les signes d'un burn-out et les moyens d'y faire face. Comme quoi, si une assurance commence déjà à mettre ça sur son site, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Bah, tu m'étonnes. Vraiment intéressant. C'est que ça se démocratise. C'est que ça commence à se démocratiser. Quels sont les signes d'un burn-out ? Alors ils disent, bon, c'est pas une maladie, c'est un syndrome lié au stress du travail, un ensemble de plusieurs symptômes, de signes qui peuvent orienter vers un diagnostic. Ils disent de dépression, là je reste modérée parce que c'est ce qu'on appelle, je vais prendre le mot très médical, hein, le terme comorbidique, c'est-à-dire que c'est parallèle, oui, il y a, on n'est pas dans ses baskets à l'aise, bah, c'est sûr qu'on n'a pas la frite quand on est épuisé, ça. Tout à fait. De là avoir une dépression, c'est différent. C'est donc, alors voilà les signes d'après eux, une grande fatigue. Physique est l'un de ces signes. Vous avez beau vous reposer, rien n'y fait. Là, je trouve ça, mais j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient au top quand même, hein, il faut le dire. Je ne vais pas les citer, mais ils sont au top. Et malgré cette fatigue, la qualité de votre sommeil se détériore. Deuxième symptôme, attention, vous peinez à vous endormir et vous vous réveillez très tôt. C'est ce que nous a dit Mario. Quand il faisait des nuits de 5 heures, ah ouais. Il criait « Ouh là là, victoire !» Donc, bon. Alors ensuite, ils disent « Cet épuisement physique s'accompagne d'une fatigue psychique intense et vous vous sentez usé, vidé sur le plan émotionnel. » Voilà. Les larmes vous montent souvent aux yeux. Ça, c'est aussi un symptôme qui ne trompe pas, les crises de larmes. Vous êtes irritable, non seulement avec vos élèves, mais aussi avec votre entourage. Vous vous mettez en colère de façon inhabituelle. Et alors ensuite, ils disent qu'il s'ajoute des signes de fatigue cognitive. Vous avez du mal à vous concentrer, votre mémoire vous fait défaut, vos idées sont confuses. Mario nous a parlé de choses qu'il était en train de dire à ses élèves et tout d'un coup, le trou noir, il ne savait plus. Manque de concentration, il ne pouvait plus, il n'avait plus aucune mémoire là-dessus. Donc, votre mémoire vous fait défaut, vos idées sont confuses, complètement démotivées, vous faites votre travail comme un robot. Hein, et là, on a entendu dans le témoignage, hein, c'est pas dans l'interview qu'il a fait à contretemps, mais dans le témoignage de « Il était une fois le burn-out », il a bien parlé qu'il menait à bien ses missions, mais alors avec beaucoup de peine et comme un robot. De cet état découlent des attitudes négatives vis-à-vis des autres et de vous-même, et c'est là que pour nous, association, c'est important d'en parler. Pourquoi ? Parce que ces attitudes négatives contre soi-même peuvent mener à des actes graves de violence contre soi-même, c'est-à-dire mettre fin à ses jours, hein, comme Christine Renon l'a fait en se balançant du balcon. Ce qui est quand même, j'ai encore de l'émotion dans la voix, ce qui est quand même, je trouve, c'est ignoble. Mmh. C'est quelque chose de se rendre compte, l'éducation nationale aurait dû en faire quelque chose d'exemplaire dans le sens, voilà, il ne faut pas qu'on en arrive là. C'est un peu ça qu'on se dit. Et d'autre part, vous perdez confiance en vous, là on est bien d'accord, et vous vous sentez incompétent et en échec, parfois jusqu'à avoir des idées noires. Donc là, voilà ce que disent les assurances, que je trouve assez intéressant quand même. Mais donc, hein ? Il faudrait bien qu'ils passent le mot à d'autres. Oui, alors bon, comment réagir ? Je ne veux pas lire comment réagir. Je préfère que nous écoutions une petite audio qui a été faite par un avocat et trois questions qu'on lui a posé, et c'est intéressant de voir le côté pratique de la chose. Nous constatons que ce phénomène de l'anxiété au travail est de plus en plus préoccupant. Le cas le plus usuel de l'anxiété au travail, c'est le harcèlement. Un membre de l'éducation nationale, après avoir fait toutes les démarches pour faire cesser un harcèlement dont il est victime, vient à déposer une plainte auprès de la gendarmerie ou du procureur de la République. Son administration lui demande la plainte déposer pour qu'il puisse bénéficier de la protection juridique qui accorde un avocat, qui accorde la capacité d'être assisté. L'expérience que nous avons, nous les avocats, c'est que c'est un véritable parcours du combattant. On doit apporter la preuve de ce harcèlement moral. Et ça, c'est extrêmement difficile. À une anxiété qui est celle du harcèlement moral, on ajoute une autre anxiété qui peut durer parfois des années, celle de devoir se défendre. Je fais partie des avocats qui considèrent que on doit progresser et instituer un droit à l'anxiété. Il y a un autre droit à l'anxiété qui n'existe pas encore. Le professeur qui vient à son travail car il craint les risques du métier. Le professeur qui est inquiet parce que les programmes changent constamment. C'est aussi le professeur qui a l'anxiété de voir des parents d'élèves venir lui demander des comptes, mettre en cause sa pédagogie. Par conséquent, il faut être assisté psychologiquement, juridiquement, dans ce véritable parcours du combattant que doivent conduire les enseignants. En tant que harcelé ou harceleur, il y a quand même des points en commun, comme par exemple l'hyperinvestissement à leur travail. Et qui dit hyperinvestissement au travail dit une volonté de répondre au travail prescrit. Celui qui donne les ordres pense qu'il est dans son droit de les demander, et celui qui doit les effectuer doit le faire à tout prix. Et à partir de là, on est dans une spirale. Le risque majeur, c'est de s'épuiser, déjà, d'arriver au burn-out, et puis une perte d'idéal aussi autour du travail, puisqu'on a été attaqué dans un endroit où soi-disant on était protégé. Ce à laquelle on ne pense pas forcément, c'est d'aller voir son chef pour lui dire « stop, c'est trop ». C'est trop dans la quantité, et les conséquences, c'est que je souffre. Mais après, dans les moyens de prévention, il y a quand même le rôle de la médecine de prévention. Le médecin de prévention peut proposer à différents intervenants, service social, psychologue, analyse des pratiques et en dernier recours, le soutien juridique. Anne l'a expliqué, il y a vraiment cette nécessité de ne pas s'isoler, qui est un premier réflexe que l'on a. C'est vraiment de rester en contact avec ses collègues de confiance, mais aussi des personnes de sa vie privée pour pouvoir déposer une partie de son mal-être et en tout cas essayer de s'en décharger. Une deuxième chose qui est importante aussi, c'est de finalement essayer de comprendre ce qui nous donne de l'énergie dans notre travail et essayer de mettre l'accent sur ces éléments qui sont générateurs d'énergie positive. Ce qui est compliqué, c'est effectivement de gérer le surengagement, cette volonté de ne pas déplaire, cette volonté de ne pas tenir ses engagements, cette volonté de ne pas trahir, alors que le contexte autour de soi n'est pas favorable. Il est toxique, on ne reçoit pas de reconnaissance. C'est clair qu'il y a une certaine discipline personnelle pour essayer d'éviter de tomber dans de tels travers ou de situations malheureuses, mais la première responsabilité reste aussi une responsabilité d'employeur. Et donc réfléchir tout à la place de ses salariés est une très mauvaise habitude que l'on a eue mais depuis des dizaines d'années. Et donc il y a un courant qui est la co-création finalement des conditions de travail où on va effectivement impliquer les salariés dans la définition de la vision, dans la définition des valeurs, c'est-à-dire ces comportements attendus que l'on va partager et qui vont nous enrichir. On doit pouvoir retrouver le sens de ce que l'on fait, pouvoir faire partie d'un projet commun, avoir de l'autonomie pour nous organiser, avoir cette sensation que nos compétences, nos connaissances sont bien utilisées, donc on contribue à un projet, on en voit les résultats. C'est ce qui permettra de renforcer cette confiance en soi qui est tellement importante pour justement éviter de basculer dans des situations à risque, voire des situations effectivement déclarées de harcèlement, de burn-out, de fatigue professionnelle. On a tous, en tant qu'être humain, le droit d'être heureux et fondamentalement, on a le droit d'être heureux au travail aussi. Voilà, nous revoilà en direct et on a entendu que c'est un parcours du combattant. On n'imagine pas effectivement que c'est si pénible. Je voulais parler là du syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur, la SNALC, hein, S-N-A-L-C. Voilà, il parle des signes du burn-out qu'il faut alerter. Il dit si on, alors ça, il dit ça en mars 2024, donc c'est une info qui est toute fraîche, hein. Donc ils disent que si 11% des Français seraient en burn-out, si, hein, parce que ça reste, oui, entre les mal diagnostiqués, les pas diagnostiqués, enfin bref, on va pas faire trop de statistiques là-dessus. Donc les diverses analyses et enquêtes indiquent un taux supérieur pour les enseignants. Lorsque le burn-out sévère se met en place, il devient long et difficile de remonter la pente. Alors le syndicat vous met en garde, il demeure essentiel d'en reconnaître les signes précurseurs afin d'alléger sa charge mentale. Alors, dans les signes précurseurs, ils disent qu'il y a une efficacité moindre au travail ou dans les tâches quotidiennes. Une mémoire qui joue des tours, un sommeil peu réparateur, un travail qui devient obsessionnel, traduisant un épuisement émotionnel. C'est un des premiers critères, d'après eux, du burn-out. Bon, je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, voilà, on va pas en demander trop. Il y a aussi des signes d'irritabilité, de cynisme vis-à-vis du métier. Des élèves ou de son travail personnel apparaissent si l'entourage prévient de manière réitéré d'un apparent surmenage, ou encore si ce qui se passe dans l'entourage personnel n'intéresse plus. Le deuxième critère utilisé pour reconnaître le burn-out est caractérisé par la dépersonnalisation. Bon, c'est un peu compliqué, hein, en quelque sorte. On va résumer, ils sont sués au travail. Ben oui. Hein, on va pas dire, hein, on a le droit de parler n'importe comment, je sais pas. Oui, bien sûr. Ils sont sués au travail, hein. Ils en peuvent plus. Ils en ont ras les baskets. Ils sont au bout de leur life. Et puis, ils sont au bout du rouleau. Ben oui. Donc, et on leur donne pas de solution. Donc là, ils en parlent quand même, hein, le syndicat. Ils disent des professeurs non soutenus, même si le burn-out peut être reconnu comme maladie professionnelle, le syndicat constate à quel point il est plus facile pour la hiérarchie de sanctionner des difficultés ponctuelles. Oui, le style. Mais ça, je l'avais connu, moi, dans le cadre de mon burn-out il y a 20 ans. L'entreprise dans laquelle j'étais, plutôt que de parler d'un dysfonctionnement, puisqu'il nous est travaillé 80 heures par semaine, hein, d'accord, dans le milieu d'informatique, nuit et jour, ils avaient étudié mon dossier et ils avaient sorti 2 erreurs en une année de rapport avec les clients. Hein, parce que j'avais... c'était un statut de cadre supérieur, donc on n'avait pas de gens qui nous encadraient, on avait juste ce qu'on appelait des goals en anglais, des objectifs à atteindre. Et ils avaient été grattés dans mon dossier pour trouver 2 petites choses pour dire « Ah, mais c'est là le problème ». Et là, c'est ce qu'ils disent. Donc, de sanctionner des difficultés ponctuelles du professeur que de les considérer comme des signaux d'alerte. Il faudrait mieux les considérer comme des signaux d'alerte d'une situation inquiétante. Le plus souvent, le professeur qui se plaint est perçu comme un perturbateur. Oh, le méchant. Oh, il n'est pas bien. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Lia. Bah oui, et puis... Voir que quand même, le pauvre prof sous cette chape... Et puis, j'ai l'impression que, globalement parlant, on n'aime pas les gens qui souffrent. Alors ça... Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Donc, du coup, c'est hyper dérangeant d'entendre quelqu'un qui est en train de se plaindre de quelque chose de sérieux et de le voir souffrir. Voilà, ça renvoie, je pense, à quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre ou qu'on se cache de vivre dans le moment. Et voilà, on n'est pas dans une société comme ça, Lia. Excuse-moi, mais... Tout, y compris la spiritualité, il faut toujours que ce soit des trucs de ouf. Il faut toujours que, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que tu fais ? Ouf ! Ouais. Quand je décroche le téléphone, ma fille qui est charmante, qui est adorable, qui est chouquinette comme tout, mais quand elle me dit « Comment tu vas, Mamoun ?» Et puis je lui réponds « Ça va. »« Ah, t'es déprime ?» Mais j'ai pas un bouton « Ouais, ouais, ça va !» Et on est dans un monde et une société comme ça. Oui. Il faut être tout le temps « Ouais, ouais, ça va !» Les gens sont pas tolérés. Je sais pas pourquoi on est comme ça, mais voilà, on n'accepte pas trop. Parce que apparemment, il y aurait des solutions pour tout, miracle, et que on doit montrer un grand sourire et que tout va bien. Tout va bien. Oui. Les gens, ils ont pas envie de se faire polluer par notre. Je pense quand même qu'il y a un petit manque de compassion quand même et d'empathie. Je sais pas. Moi, je pense. Je crois que les gens, ils ont peur. Mais oui, on se rejoint. Ça fait peur. Imagine, c'est comme contagieux. Imagine, je parle avec toi, t'as un burn-out. Ah, mais attention, je risque de le choper, tu vois. Je veux pas voir ça parce qu'en quelque sorte, ça existe chez moi, mais je veux pas le voir chez l'autre. Ou l'impuissance, je ne sais pas. Je sais pas. En tous les cas, là, ils disent bien que le syndicat conseille aux professeurs concernés de contacter leur médecin traitant. Alors là, je le dis haut et fort, contactez un médecin traitant. Si celui-ci n'a pas d'oreille, ce qui peut arriver, hein, y a des médecins qui n'ont pas d'oreille, prendre un médecin psychiatre ou psychologue, en tout cas, qui pourra détecter ça rapidement, comme nous l'a dit Mario dans son cas. Et autrement, aussi prendre contact avec la médecine de prévention afin de mettre un mot sur les mots. Parce que ça, c'est aussi le but de l'émission. Ben oui. C'est mettre des mots sur quelque chose qu'on essaye d'occulter. C'est le premier pas, quoi. Voilà, qui est une maladie de société où on est en train de tous s'épuiser. Voilà, c'est un petit peu à chacun sa bohème avec Grand Corps Malade. Je vous parle d'un temps. Nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Saint-Denis en ce temps-là était mon seul décor et mon terrain de fête. Une terrasse de café, deux, trois poteaux qui passent et le plan s'éternise. Et le clocher de la mairie qui à 18h chante le temps des cerises. Je vous parle d'un temps que j'ai connu un temps comme une belle escale. On avait 1000 projets qu'on fantasmait devant une omelette frite à 4 balles. On avait des idées et on refaisait le monde au pied des bâtiments. Le monde a dû nous voir, il nous a offert l'espoir. C'est un bon commencement. La bohème. Je vous parle d'un temps. La bohème. Je vous parle d'un temps. Ça voulait dire on est heureux. La bohème. Je vous parle d'un temps. La bohème. Je vous parle d'un temps. Ça voulait dire nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Souvent il m'arrivait devant mon cahier de passer des nuits blanches, noircissant toutes ces pages avec excitation presque comme une revanche, scander des poésies, quelle jolie fantaisie face à des presque frères, sans enjeu précis, se sentir bien en vie et gagner quelques bières. L'inspiration était partout, je pouvais souvent la voir déborder. De notre innocence, de notre nonchalance, de notre vie débridée. On a laissé une trace en hurlant nos histoires à la gueule du monde. Je vous parle d'un temps dont je ne changerai pas une seule seconde. La bohème. Je vous parle d'un temps. La bohème. Je vous parle d'un temps. Ça voulait dire on est heureux. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses. Reste alors le souvenir qui me donne le sourire et ce pincement extrême. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème. À chacun sa bohème. Et nous revoilà à l'antenne. Alors là, on va terminer, je pense, par quelque chose d'important, qui est un petit peu le après, parce que, ok, on peut être en burn-out, on peut être en reconstruction, on peut déjà commencer à le détecter avec tout ce qu'on a raconté, on a déjà des pistes. Et là, le après, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je suis tombée sur un site très intéressant de coaching, Cap sur le changement. Je ne citerai pas parce que je trouve que c'est plus global. Et ce qu'elle dit, par contre, a du sens. Enseignant, quelle reconversion professionnelle après un burn-out? Alors, elle parle de burn-out qui toucherait 17 à 28,7% des enseignants selon les études européennes. Donc, c'est bien plus que 11, on est d'accord. Il touche le plus souvent des enseignants qui ont une forte conscience professionnelle, qui investissent beaucoup de temps et d'énergie dans leur métier, dans un contexte où les moyens à leur disposition ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs qu'on leur assigne. Donc, ils sont dans un étau. Première chose qu'il faut dire, c'est qu'une reconversion doit se faire en pensant très fortement aux troubles post-traumatiques. C'est-à-dire, je m'explique, quand on repart dans le même poste, au même endroit, avec le même contexte, les troubles post-traumatiques vont ressurgir, oui. Et il y aura, et là j'ai vu dans d'autres témoignages d'enseignants, ils ont rechuté à plusieurs reprises. Oui. Claire, qui avait fait son témoignage tout au début, vous pouvez retrouver sur le site ralentirpourvivre.org, il était une fois le burn-out, a expliqué aussi qu'elle avait fait des rechutes. Donc la première chose, c'est de se dire que retourner dans le même endroit, le même contexte, c'est une mauvaise idée. Oui. Trouble post-traumatique, je m'explique. On attrape le volant, il glisse, on a les mains qui transpirent. On a des palpitations, on a des nausées. Mmh. On ne dort pas la nuit d'avant, on ne se sent pas bien. Enfin, je ne sais pas, on pourra en dire d'autres encore, je ne sais pas. Voilà. Donc, les troubles post-traumatiques. Donc, il ne faut pas revenir au même endroit. Et ça, c'est à mon sens primordial. Mmh. C'est à mon sens vraiment primordial. Ils disent qu'il y a souvent un événement déclencheur, la fameuse goutte qui fait déborder le vase déjà plein. Alors ça, c'est certain qu'il y ait un point de non-retour. Et ça, il faut le prendre en considération. C'est-à-dire, justement, Claire, qui avait fait son témoignage, qui est institutrice, disait que pendant plusieurs années, elle n'a pas pu passer devant une cour d'école avec des enfants. Elle ne supportait plus. Mmh. Donc, on parle bien des troubles post-traumatiques. Donc, après, il faut bien prendre ça en compte. Hein. Troubles post-traumatiques. Les gens qui sont touchés disent « je ne peux pas y retourner » parce que c'est comme si on allait de nouveau... Post-traumatique veut dire quoi ? On va le faire plus simple. Oui. Voilà, le chat... qu'on tape ou le chien qu'on tape avec un journal. Qu'est-ce qui se passe quand on attrape le journal ? Mais il a peur, hein ? Ben voilà. Mm. Il se taille avant même qu'on le tape. Eh ben c'est ça. Mm. Le trouble post-traumatique, c'est un truc qui s'est ancré dans notre tête. Tac ! Voilà. Et donc, on retourne dans le même endroit, on revoit les mêmes visages, on entend les mêmes bruits, le même environnement, hop, ça repart. Donc on peut essayer de dire, on passe au-dessus, mais ça va être physique. Mais oui. Là, on ne parle plus du mental. Là, il y en a qui disaient le seul fait de passer devant l'établissement ou d'ouvrir un mail professionnel déclenchait une forte anxiété. Donc ça, voilà. Alors, cette dame-là, elle parle d'étape d'une reconversion comme la nécessaire phase de repos. Parce que quand on change d'orientation, il faut déjà... Alors là, je donnerai une métaphore plus simple. Quand l'eau est boueuse, comment est-ce qu'on arrive à... faire que la boue tombe au fond et que l'eau se clarifie. En attendant, sans l'agiter. Voilà, c'est tout ça. Merci Lia. Merci Lia pour ce petit ping-pong tout simple. Mais c'est ça. Ben oui. Donc après un burn-out, c'est un tsunami de l'esprit. Mmh. On pose tout, on laisse les choses se décanter. Tasser, ouais. Ouais, mmh. Se décanter, hein, voilà. La boue tombe au fond, comme ça on va pouvoir lui donner un nom. Voilà, c'est ça notre problème. Et l'eau est claire au-dessus. Donc ça, voilà. Y en a qui cherchent des solutions trop rapides. La première des solutions serait déjà de faire récupérer le corps. Et là, je vais revenir sur un fondamental, je pense, du burn-out. On en a beaucoup discuté avec la docteure Koifik parce que c'est important de... prévenir et d'informer les gens de ce mécanisme. Le mécanisme étant, quand on tombe en burn-out, et je dis bien tomber, la chute, comme disait, quand le plancher n'est pas assez bon, on tombe, ok. En premier, on a une fatigue émotionnelle. J'essaye de faire, j'y arrive pas, j'en ai marre, j'en ai gros sur la patate, hein, d'accord ? Le psychique, il en prend un coup dans les dents. Donc, il y a une fatigue de psychique qui descend, parce que l'émotionnel étant fatigué, le psychique, je suis bon à rien, enfin, voilà, toutes ces choses. Et en dernier, c'est le physique. Pourquoi ? Parce que cette accumulation d'adrénaline et de cortisol a usé notre fonctionnement hormonal, a déclenché que les récepteurs dans le cerveau ne peuvent plus gérer, bibi, papon, papa, machin, paf. Et le corps, tout d'un coup, ben, c'est comme une machine qui doit aller au garage, il n'y a plus rien qui fonctionne, ça fait... Bon, donc ça, le corps qui tombe en dernier. Pour la reconstruction, on est dans le sens inverse. On commence... à s'occuper du corps. Ensuite, on s'occupe du psychique. Ensuite, et la dernière étape, c'est l'émotionnel qui est la plus difficile. Mmh. Ce pourquoi il ne faut pas retourner dans le même lieu, parce que l'émotionnel ne pourra pas se reconstruire, parce qu'il y aura les troubles post-traumatiques qui vont venir faire des grésillements. Mmh. Donc tout ça, c'est une manière de voir pour la reconstruction qu'il faut y aller étape par étape. et faire le point. Dans un monde où on nous presse au quotidien, où le rendement est la priorité, savoir se reposer et prendre du temps, ça doit s'apprendre et non pas se réapprendre, à mon avis. Je dirais plus loin, c'est pas loin d'être illégal. Oui. C'est pas loin d'être, qu'est-ce qu'on pourrait dire, douteux, tu vois. Immoral. Immoral. Oui. Qu'est-ce qui fait celui-là, il se glande. Oui. Il en profite bien. Il en profite bien, mais qu'ils prennent donc 2-3 cachetons et qu'ils retournent au job. Oui, voilà, donc on maltraite. C'est de la maltraitance. Donc c'est de la maltraitance. Donc il faudrait arriver à une certaine bienveillance. Une petite pause musicale. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. De masse qui nous casse et nous isole sur les écrans sous des masques dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Dans la vie ou dans les bruits de couloir. Qui nous cogne sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent. C'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. À l'écart et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu. Nous revoilà en direct. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le burn-out des enseignants, c'est que ça crée des conflits à plusieurs niveaux. Déjà avec les élèves, parce qu'ils sont, vis-à-vis des élèves, pas toujours, ils peuvent être agressifs, ils peuvent être cyniques, ils peuvent être... Et en même temps, ça crée des problèmes avec les parents d'élèves. Et en même temps, ces personnes, il faut bien comprendre qu'elles sont dans un cul-de-sac. Là, je suis allée dans un forum de... burn-out des enseignants. Donc, quelle démarche? Alors, il y en a une qui... Mais vraiment, c'est presque à pleurer. Hein. Elle explique qu'elle a fait un burn-out, qu'elle a été, suite à l'agression d'un parent d'élève, parce qu'elle a été agressée, probablement qu'elle a eu peut-être une réaction, et le parent d'élève, pof, il est monté dans ses tours. Okay. Le commissaire de police de l'époque lui avait dit qu'elle allait convoquer le père de l'élève, puis a informé que l'inspectrice lui avait demandé de ne pas le faire pour ne pas faire de vagues. Ben oui. Non, mais là... voilà, je vous recommande sur ralentirpourvivre.org, à l'onglet activité, je vous recommande dans Improthéâtre le burn-out de l'éducation, ou d'une manière relativement comique, parce qu'on ne peut pas non plus rire de tout, mais on va dire décalé, plus que comique. Nous avons expliqué et justement à quel point et la directrice qui dit « pas de vague, pas de vague ». Donc voilà, là c'est vraiment de l'eau à notre moulin. Et donc elle explique qu'elle s'est écroulée, donc ça a été reconnu, elle a été arrêtée 3 mois et demi, alors plein de traitements, hein. Des frais médicaux pris en charge, bon d'accord. Puis les vacances sont arrivées en septembre pour ne pas rester à la maison et ne rien faire, mais éviter de reprendre une classe. J'ai obtenu à titre provisoire un poste de IME avec des handicapés mentaux. J'y ai passé 1 an et j'ai été reconduite cette année avec l'aide du médecin de l'académie. Bon. Donc apparemment, elle a complètement changé de secteur. Elle est passée dans autre chose. Mais ces démarches, début septembre, elle dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle a demandé à être reçue par le médecin de l'académie, qui la recevra seulement 2 mois plus tard. Hein. Et puis en plus, qui ne connaît pas son dossier. Donc voilà, le médecin de l'académie est censé savoir, il n'est au courant de rien. Elle avait écrit début octobre un courrier à l'adjointe qui, pour lui demander une audience pour malaise au travail, mais elle ne lui a jamais répondu. Quand on parle de maltraitance, il y a vraiment pour ces personnes, on comprend mieux pourquoi Christine Renon s'est suicidée. Enfin, j'entends, il y a quelque chose de grave, quoi. Elle a envoyé des fiches de signalement de différents problèmes survenus en classe, violence, bon, je passe les détails, masturbation, mise en danger de l'un des jeunes, enfin bref, à son inspecteur, copie à la conseillère de prévention départementale, mais aucun des deux n'a répondu. Dans ces cas-là, pas de vague. Chut, on ne sait plus, on est au courant de rien. Voilà. Elle a été en contact avec le psychologue de l'académie. Et depuis 1 an et demi, elle est suivie par la conseillère mobilité carrière qui lui a fait faire un bilan de transférence équivalent au bilan de compétences. Mais rien n'est vraiment ressorti de tout cela. Donc aujourd'hui après, elle recraque. Donc elle a eu un poste entre deux, mais elle recraque quand même. Impossible de respirer, crise de tachycardie. Elle quitte sa classe en pleine journée. Son généraliste l'a reçu en déclarant burn-out, rechute. Voilà. On recommence. Elle refait une demande de reconnaissance, tout ça. Elle attend de voir si cela sera reconnu. Mais faisant face à des profils psychotiques, violents, non communicants, il n'est pas envisageable que je détourne dans cette IME. Je me sens seule, pas d'interaction et diminue. Donc, avec les handicapés mentaux. Oui. Donc, parce que là, c'est apparemment encore plus lourd. Ben voilà. Oui. Elle ne sait que faire, mais quels sont mes intérêts? Enfin bref, on sent une personne désespérée. Et je trouve ça vraiment grave, la situation des enseignants à ce niveau-là. Mais oui, ils ne sont pas écoutés, ils sont seuls en plus. La pire chose qui puisse arriver dans ce moment-là. Ouais. Donc ça doit être compliqué. Voilà. Nous en reparlerons dans 15 jours, parce que j'espère avoir un entretien avec un directeur d'école. Mais je dis bien j'espère, parce que c'est jamais facile d'obtenir des interviews. Et puis après, nous allons rentrer dans la série de rediffusion pour décembre et peut-être janvier. Là, je dois annoncer mon programme, Lia, je te dirai. Okay. Je fais un petit suspens et je reprends probablement en février. Période hivernale. Période hivernale, comme ça. Ça vous permettra de réentendre en rediffusion les interviews qu'on a fait qui sont très intéressantes. Et je vous dis donc à dans 15 jours, en attendant de vous dire à l'année prochaine, mais ce sera pour la prochaine fois. À bientôt, chères auditrices et auditeurs. Merci de votre écoute. Je suis avec toi sur la terre des morts. J'aurais voulu t'aimer, mais il est trop tard. Je t'écrirai la vie la vraie, les mains brouillards, les cœurs en friche, les trouillards, les débrouillards, bref, ceux qui manquent à l'affiche, toujours plus près du vide quand les jours se ressemblent. Et c'est fou ce que l'on ressent en somme quand on est seul ensemble. D'un blafard abîmé par la vie, habité par le doute. J'avance plein phare dans la nuit pour te trouver sur ma route. Une destinée un peu funèbre quand t'as personne sur qui compter. Caresser les ténèbres, c'est peut-être apprendre à les dompter. Tu crèves dans l'indifférence, tes cinq sens à la fumée pour oublier ta démence. Bah tu te flingues à la fume, la vie n'est pas si docile vu que t'as pas le cran des vainqueurs. Tu veux ta dose d'ocytocine ou un coup de faucille en plein cœur. L'aiguille tourne et malgré tout, t'attends juste que ton heure sonne. T'es là pour les autres, à bout, mais quand t'as besoin, y'a plus personne. Ta bonne étoile est un Dark Sun, alors tant mieux si tout est sombre. Car il n'y a que les cœurs lucioles, sur la même longueur tombe ce monde. N'a rien d'alléchant, y'a plus grand chose pour t'exciter. Tu connais bien trop les gens et leur foutue toxicité. Tout le monde te parle, mais ça t'ennuie, on te traite comme un déprimé. Alors que dans le fond, t'es juste le fruit des sentiments que t'as réprimés. À quoi bon leur parler? Leurs conseils sont prévisibles, ils font semblant de t'écouter et tu resteras invisible. C'est comme ça depuis ta naissance, seul depuis le placenta. Ce que tu vis, ce vide immense qui prend bien trop de place en toi. J'ai presque vu l'Éden dans tes yeux couleur brumate, même qu'elle a pris vite à peine. Passé 3 heures du mat, même si le temps est limité, il se fait long, mais le pire, c'est l'étrange infinité que tu n'as jamais su décrire. T'es devenu froid éterne, que tu sois de Mars ou Vénus. Tu croyais trouver la perle, ce n'était qu'une caisse de plus sur mon sol et médusé. Tu feras encore les mêmes bilans, avec la gueule un peu usée, comme si ton âme avait 1000 ans. Tu ne sais plus pourquoi t'es hâle, tu cherches ta vérité, ton but, pas l'amitié des fils de pute. Tu luttes pour ton idéal, ils te diront que t'es dans l'erreur. Qu'à ce qu'on faudra bien t'y faire, mais rien que ça vocifère. Les rêveurs n'ont pas besoin de somnifères. Tu les mystifies, t'es pas le plus mort de tous, mon ange. Et si ton spleen se liquifie, au pire, ça remplira le Gange. Pourvu qu'on sorte d'ici, même si le brouillard s'épaissit, qui se ressemble s'apprécie, je t'attends comme une éclaircie. Ça parle d'avenir, de faire des mômes, de baraques, de nouvelles caisses. Et toi, t'es là, t'as pas les mots à leurs questions de politesse. Faire semblant, on s'oublie vite, c'est pas comme si t'avais eu le choix. Quand tu souris, t'as l'air stupide, comme si c'était ta première fois. Tu te fais rare comme le bonheur, ou comme les gens honnêtes. La morale est au donneur, ce que l'amour est au poète. Tu vis comme une étincelle, le feu dans tes yeux, c'est un signe. Incompris, on s'étincelle, tu m'as dit c'est ainsi. Tu ne sauras jamais combien d'appels ont déchiré ma gorge. Troupeau de parias noyés dans la nuit, nuit sans tendresse, nuit implacable. Surtout ne dites pas que vous comprenez. Cela, il faut que tu le saches avant que je disparaisse. Mais je crains que nous ne soyons pas.